tout Paris danse, flirte et rit ici ce soir. Au nom de Paris j'encense l'amphitryon aux yeux noirs, et qui chez nous, charme en caprice, de la grâce est l'ambassadrice. Ah, merci de nous fêter ainsi et d'être si belle. Oh, merci. Ah, merci de nous fêter ainsi et d'être si belle. Oh, merci. C'est bien plus que je ne mérite. Je suis confuse et vrai, je crois que j'aurais je n'étais ici, chez moi. Votre langue est une magie, elle peut, quand vous êtes garant, faire d'un feu follet l'incendie d'un verre de plaire, un océan. Oh, messieurs, je me méfie, et si quelqu'un me fait la cour, je ne veux croire qu'à l'amour qui laboure la Varsovie. C'est la fête de passion. Pourquoi quand on vous fait la cour, ce n'est pas cette par amour pour votre chair. Mesdames, messieurs, à titre d'ambassadeur de Varsovie, je dois dire que mon épouse, l'ambassadrice, vient de vous remercier de votre présence à cette fête en termes excellents. Et je tiens moi-même à vous témoigner ma gratitude pour l'empressement avec lequel vous êtes venu célébrer l'anniversaire de notre bien-aimé souverain, le prince de Varsovie. Mon Dieu, que ma femme est charmante, hein? Et je lui donne l'exemple de la confiance conjugale en la laissant, sans aucun risque, être en tête à tête avec le comte Camille de Coutançon. Allons, retirons-nous, messieurs, retirons-nous. Nous sommes seuls, venez ici. Est-ce pour ma joie ou mon souci? Rien que deux mots, il faut m'entendre. Rien qu'un seul mot, mais le plus tendre. Non, non, justement ce mot, je vous le défends. J'obéirai, je ne dirai rien. D'ailleurs, à quoi bon, vous m'entendez bien? Au lieu d'amour, parlons mariage. C'est différent, vraiment. Forcément. C'est beaucoup plus sage. Me marier, quel projet fou. Je n'aime que vous, je n'aime. Dites pas, ou bien tout au moins, dites-le tout bas. Que moi-même je puisse croire que je n'entends pas votre aveu. Soyez gentil, aidez un peu ce sacrifice méritoire. Je suis fidèle à mon mari, j'en fais jadis le serment. Croyez-le bien, mon ami, c'est parfois son inagrément. Taisez-vous car j'ai juré de ne plus vous écouter. D'abord c'est mon devoir, et puis on pourrait nous voir. Ne jouons pas avec le feu, on s'y roussit toujours un peu. Mais lorsqu'on croit qu'il est éteint, une étincelle vous atteint. Moi je crains l'amour comme le feu, l'un comme l'autre est périlleux. Aussi j'ai soin, mon bon monsieur, de m'assurer contre que vous ayez fait, madame, cet affreux projet. À votre époux d'être fidèle, vous si bonne, si douce et si belle. Je vous croyais plus de charité, et moi de perversité. Et moi d'égoïsme sur tout, je n'aurais pas cru ça de vous. Mais bon apôtre est l'amour, je le jure, il faudra bien y mettre du vôtre pour peu qu'il y mette du sien. Avec le feu, marcher aussi toujours sans avoir peur. Et lorsqu'on croit, si la demoiselle est vous charmée, c'est à le voir d'aimer. Moi je crains l'amour comme le feu, mais comme l'ombre est périlleux. Alors l'amour bleu, aussi j'ai soif, un bon monsieur, car on ne peut rien, de m'assurer, on n'a rien contre. Excusez-moi d'interrompre ce tête-à-tête, mais je dois vous annoncer la venue de Madame Missia Palmieri, une femme charmante, née au Far West, mais élevée en Varsovie, au milieu d'une civilisation brillante et corrompue, dont j'incarne toute la séduisante originalité. Mais quand elle eut 20 ans, le vieux banquier Palmieri demanda sa main. Elle refusa d'abord, puis brusquement, sans qu'on sût pourquoi, elle accepta. Palmieri était d'ailleurs un homme bien élevé, très discret. Il le prouva en mourant quelques mois plus tard. Et voilà comment Missa Palmieri se trouve depuis 2 ans, veuve, avec une fortune de 50 millions déposée à la Banque Nationale de Varsovie. Mais voici cette adorable jeune femme. T'en prie, monsieur, je vous en prie, ne vous précipitez pas tous à la fois. Nous nous attachons à vos bras. Finissez ce jeu. Non, non, qu'aimons pas. Je vous en prie. Nous ne saurions vous obéir. Non, non, vous me faites rougir. De cette fête en vérité. Je vous ai choisi. Vous êtes la gaieté. De mon plaisir ou de plaisir. Je ne connais votre Paris que depuis peu de jours. Et je vous trouve trop d'esprit pour croire à votre amour. Chez nous, quand on veut se marier, on n'est pas si béni. On a vite fait de s'accorder. Toi, tu me fais, moi, je te plais. Mon père a 3 vaches et 3 moules. Et la mienne, 6 cochons. Et le printemps nouveau. Mais les cœurs à l'unisson. J'aime mieux ces façons. Vous très galant, charme léger, on s'en ressent. Mais tous les hommes à Paris s'emportent à mille comme chasseurs de partir. Madame, qu'on a de peine à arriver jusqu'à vous. Excellence! Oh, je suis vraiment affreusement contente de vous voir. Secouant les mains. Non, assez secoué. Permettez-moi de vous présenter le comte Camille de Coutançon, qui vous supplie de lui accorder une valse. Avec tant de plaisir, monsieur. Mais je crois qu'il y a déjà quelqu'un dans toutes mes valses. N'importe, nous causerons pendant une récréation. Cher ami, je regrette que mon attaché militaire ne soit pas encore là. Je serais heureux de vous présenter le prince Danilo. Comment est le nom? Le prince Danilo. Oh, Danilo? Quoi? Rien. Vous le connaissez? Pas du tout. Tant que ça. Il y a des moments où ma finesse m'épouvante. En attendant, venez, je vous enlève. Chère vieille chose. Il paraît que la patrie demande le prince Danilo. Voici le prince Danilo. Où est la patrie? Je ne vois personne. Pardonne-moi, chère patrie, si grâce à mes libations j'entremêle de fantaisie mes saintes occupations. Dès que les heures sont sonnées, je cause à la légation et m'y tue toute la journée jusqu'à 3 heures sans rémission. J'écris des lettres parfumées pour jurer éternellement à d'éphémère bien-aimée le grand amour d'un petit moment. Déjà 3 heures sont sonnées, vite ma canne et mon chapeau. Après une telle journée, il faut prendre un peu de repos. Alors chez de petites amies, j'essaie par tous les moyens, j'essaie jusqu'à 6h30 de devenir bien parisien. Toujours par dévouement pour mon gouvernement, je voltige à la ronde, de la brune à la blonde. Manon, Lison, Ninon, Suzon, Fanch, Antoinon, c'est tout un demi-monde où jamais on n'a dit non. Alors qu'ayant servi toute la nuit mon pays, je m'endors l'âme contente dès l'heure où le coq chante et rêve de choses folles, de femmes au cœur constant, de diplomates habiles et d'éternels amants. Faites-moi grâce, messieurs, je suis décédée de fatigue. Laissez-moi, Danilo. Missia, pardon, madame. Je vous prie en effet de me nommer madame. Dans le présent, rien ne me fait peur. Mais dans le passé, certaines choses, oui. Lesquelles? Peut-être l'histoire d'un jeune grand seigneur que j'étais sur le bord d'aimer. Quand j'étais une petite blanche, une fille, et qu'il venait me voir dans mon petit vert jardin. Mais j'avais alors d'aussi ordinaire pauvre robe et un seul affreux chapeau. Alors un jour, le grand seigneur me tourna ses bottines et s'en alla. S'il vous a tourné ses bottines, c'est qu'elles n'étaient pas payées. Je crois même qu'elles ne le sont pas encore. Que voulez-vous signifier? Que ce petit seigneur-là n'avait rien dans les poches, mais qu'il avait quelque chose dans le cœur. Quoi donc, en vérité? L'image d'une petite Yankee qui, sous son affreux chapeau, était la plus belle du monde. Il rêvait d'en faire sa femme. Alors pour elle, il risqua au jeu tout ce qu'il possédait, il perdit tout. Et pour gagner sa vie, il entra dans la diplomatie. Enfin, vous n'avez guère tardé à épouser un banquier, c'est 50 millions. Mais en vous revoyant, je ressens toute l'émotion qu'on éprouve quand on se retrouve en présence. De 50 millions? Pour tout l'or du monde, je ne vous dirai jamais je vous aime. Oh, si je voulais. Vous y perdriez votre temps. Pourquoi? Parce que ce ne serait pas vrai. Adieu, madame. Un instant, prince, j'ai à vous parler. Ma chère amie, je vous prie de nous excuser, mais la diplomatie est la diplomatie. Mais comment donc? Je vous abandonne. Prince, je serai bref. Vous avez des dettes. Assez pour avoir un certain crédit. Eh bien, la patrie veut vous marier. Ah, diable. Et contre qui? Avec une femme. Oui, avec une femme qui est la plus jolie de celles qui ont des millions. Madame Palmieri. Jamais! Je n'épouserai Madame Palmieri sous aucun prétexte. Oh, malheureux, la fortune de Madame Palmieri constitue la plus notable partie des finances de la Marsovie. Si elle n'épouse pas un Marsovien, la patrie est ruinée. Il n'importe, je ne l'épouserai pas. Oh! Mais je vais vous proposer une combinaison qui a les mêmes avantages. Je ne veux pas la connaître! Laquelle? Je m'engage à écarter tous les prétendants de Madame Palmieri. Attention, laissez-moi faire, car voici tout le monde qui revient. Petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit homme, petit hélas, vous êtes trop, et je crois mieux de ne faire aucune choix. Prenez d'autres dames. Ah oui, celles-là sont bien moins riches. Ah, mais ce quel empressement, on dirait un accident, suivi d'un encombrement. Sa tour que l'on se dispute, vous l'aurez dans une minute. Votre humeur est par trop méchante, de grâce prononcez-vous, car l'énervement, l'espoir et l'attente, madame, ont mis nos cœurs à bout. En ce temps où le féminisme gronde, où la femme veut tous les droits, se peut-il que la plus belle, la plus blonde, soit impuissante à faire un choix? Nommez les Rida, nommez les Stillac, choisissez sans peur, sans crainte et sans trac. Je bostonne avec éclat, un cœur d'homme sous mon frac, et je suis la perle des candidats. À voter pour les Rida, non voter pour les Stillac, car je suis la perle des candidats. Vraiment, c'est beaucoup d'exigences, je n'ai pas l'âme d'une électeur. Ah, je sais bien qu'on nomme en France les députés au petit bonheur. Mais prendre un danseur, messieurs, est un cas beaucoup plus sérieux. Allons, soit c'est dit, et puis mon lave, allons à la grâce de Dieu. Prenez les Rida, prenez les Stillac. Mais avant de faire une choix si délicat, souffre que j'hésite entre vos mérites. Quelle est vraiment ce soir la meilleure choix? Un valseur d'élite, je suis son mérite. C'est moi ce soir-là. J'interviens à temps, ma foi, c'est la vase écoutée, elle soupire, elle chante, elle expire, l'histoire tournante et puissance attend de baisse, mais qu'on se meurt sous la caresse de sa douceur. C'est la valse écoutée qui vous ordonne que votre âme s'abandonne aux bras forts de vos valseurs. Entrez sur mes valseurs. Rythme là qui vous prend et vous grise, bondit, bilondit et se brise, ainsi plate et s'enroule et se plat, une écharpe de soie. Écoutez ces accords qui s'effraient, c'est le chant du printemps dans les feuilles. Le frisson défaillant et tremblant des roseaux, quand la brise frémit sur les eaux. La Syrie, courons à mon devoir, il faut savoir courir pour la patrie. Madame, nous vous attendons, madame, nous nous morfondons. Dire-nous, c'est impertinent. Intervenir est imminent. Choisir, ça m'impressionne. Voici le mien, je vous le donne. Encore un assez décourageant. Ah, la valse, il excelle. Je l'ai dansé avec lui. Au Boston, il a des ailes. Je l'ai dansé avec lui. Le cakewalk n'est pour lui qu'un jeu. Je l'ai dansé avec lui. Il cotillonne comme un dieu, et sans doute même un peu mieux. C'est pour vous le céder que je l'ai gardé, et vous l'ai choisi avec tout mon cœur, voulant donner le meilleur valseur qui se trouve ici, à la seule qui soit digne de lui. Un coup d'œil sur les ridas, un regard sur les filles, choisissez-moi quand vous choisirez bien. C'est madame fort méritée. Allons, c'est dit, c'est dit. Je l'ai trompé, tendre. Eh bien donc, messieurs, je choisis la seule de vous qui n'ait rien dit. Offrez-moi votre bras. Moi, madame, je ne danse pas. Ou bien je ne vous tente pas. Erreur, erreur. La valse était la moi. Mais oui, pourquoi? Puisqu'elle est bien à moi, parbleu. J'en puis faire ce que je veux. Ce qui me plaît, c'est dit. C'est dit, que va-t-il faire? Pour cette danse dont je vous remercie, madame, je la mets aux enchères. Sans lui au profit des jeunes diplomates incompris de la Marsovie. Sans lui, c'est un peu beaucoup. C'est pour rien, enchérissez-vous. Sans lui d'un coup, il devient fou. Acheterai sans lui, pressons-nous. Et voilà, c'est la bêtise, c'est assez fou. Vous leur paraissez cependant un peu trop cher à présent. Après le flux, madame, regardez leur reflux. Ils vous aiment de toute leur âme, mais pas pour un sou de plus. Non, non, non, cher ami, pardon. Sans lui, je trouve moi que c'est donné. Mais vous l'aimez donc? Mais vous ordonniez. Mais vous mentez, venez. Maintenant qu'ils sont partis, Delphine, vole m'a perdu. Me voulez-vous, madame? Oh non, grand merci! Tantôt pourtant, vous m'aviez choisi. Je ne veux plus, non, non. Non, c'est fini. Allons donc. Rythme divin qu'il ne chante pas en vain. Je ne veux pas.